The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Peaceful. Tranquille. Aisle. Le rayon. Rapidly. En vitesse. Madness. Folie. Now, a bit faster. Aisle. Le rayon. Madness. Folie. Aisle. Le rayon. Rapidly. En vitesse. Peaceful. Tranquille. Madness. Folie. Rapidly. En vitesse. Peaceful. Tranquille. Rapidly. En vitesse. Now, use the words in context. Tranquille. I still have 2 reports left to draft up and then I'll be in peace. Il me reste encore 2 rapports à rédiger et après, je serai tranquille. Le rayon. I got lost in the supermarket trying to find the fruits and vegetables aisle. En cherchant le rayon fruits et légumes, je me suis perdu dans le supermarché. En vitesse. I'm going to stop at my house real fast to get a coat. Je vais passer chez moi en vitesse pour prendre un manteau. Tranquille. I still have 2 reports left to draft up and then I'll be in peace. Il me reste encore 2 rapports à rédiger et après, je serai tranquille.